الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد. Continue inshallah ta'ala traduction du livre Taysir al-Allam Sharh Hamdat al-Ahkam de l'imam Abdul Ghani al-Maqdisi rahimahullah, une explication de Sheikh Abdullah al-Bassam rahimahullah ta'ala. La semaine dernière on n'a pas cité de hadith, on s'était contenté de citer la parole des savants concernant le jugement de Moussal al-Aïd est-elle considérée comme une mosquée ou non, et on avait terminé le chapitre de la prière des deux fêtes en citant le chapitre du takbir pendant les deux fêtes et également le fait de proclamer la grandeur d'Allah azawajal lors de grands événements. ثم قال المؤلف رحمه الله باب صلاة الكسوف le chapitre de la prière de l'éclipse. الكسوف والخسوف يطلق الأول على ذهاب ضوء الشمس أو بعضه والثاني على ذهاب ضوء القمر أو بعضه في الغالب والفصيح وللكسوف والخسوف أسباب عادية حسية تدرك بعلم حساب سير الشمس والقمر كما أن لهما أسبابا معنوية خفية وكل من هذه الأسباب الحسية والمعنوية إلهي فعندما تقتضي الحكمة الإلهية تغيير شيء من آيات الله الكونية كالكسوف والخسوف والزلازل ليوقظ الناس من الغفلة عن عبادته أو ليزجرهم عن ارتكاب مناهيه ويقدر الأسباب الحسية العادية لتغيير هذا النظام الكوني من ذهاب نور أحد النيرين أو ثوران البراكين وهبوب الرياح أو قصف الصواعق أو غير ذلك من آيات كونه ليعلم العباد أن وراء هذه الأكوان العظيمة مدبرا قديرا بيده كل شيء وهو محيط بكل شيء فهو قادر على أن يعاقبهم بآية من آياته الكونية كما أهلك الأمم السابقة بالصواعق والرياح والطوفان والزلازل والخسوف كما أنه قادر على أن يسلبهم نور الشمس والقمر فيظلوا في أرضهم يعمهون أو يصيبهم القحط فتذوي أشجارهم وتجف أنهارهم ولينبههم على أن الكون في قبضته فيرهب جنابه ويخاف عقابه ولكننا قد أصبحنا في زمن المادة وطغيانها فصار الناس لا يدركون من تغير هذه الآيات إلا المعاني المادية ونسوا أو جهلوا المعاني المعنوية من التحذير من عقاب الله وتذكير نعمه فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ L'imam Abdullah al-Bassam rahimahullah dit le chapitre de la prière de l'éclipse Al-Kusufu wal-Khusuf l'éclipse solaire et l'éclipse lunaire. Le premier est utilisé, Al-Kusuf est utilisé pour parler du fait que la lumière du soleil soit cachée, ou une partie de cette lumière. Quant à l'éclipse lunaire, Al-Khusuf, c'est lorsque la lumière de la lune disparaît de façon totale ou partielle. Et ceci est ce qui est le plus utilisé et ce qui est le plus en accord avec la langue arabe. C'est-à-dire que Al-Kusuf signifie l'éclipse solaire et Al-Khusuf signifie l'éclipse lunaire dans l'utilisation la plus courante qu'en font les savants. Même si d'autres savants considèrent qu'il n'y a pas de différence entre les deux termes et que l'un peut signifier à la fois l'éclipse lunaire comme l'éclipse solaire. Et l'éclipse solaire et l'éclipse lunaire ont des causes habituelles que l'on peut percevoir et que l'on peut connaître à travers les calculs astronomiques qui sont bâtis sur des calculs en fonction des trajectoires du Soleil et de la Lune. Comme de même que ces deux éclipses, solaires et lunaires, ont également des causes significatives qui ont un sens abstrait et caché. Et l'ensemble de ces causes, qu'elles soient physiques ou abstraites, sont divines. Donc, qu'est-ce qui explique les éclipses solaires et lunaires? Comment est-ce qu'on peut les expliquer? De deux façons, une façon physique et une façon abstraite. La façon physique, elle est connue en étudiant la trajectoire du Soleil et de la Lune, et l'autre, qui sont des sens qui ne sont pas perceptibles, qui sont abstraits, et que le Shir va expliquer, rahimahullah, et les deux sont divins. Les deux proviennent, ces deux sortes de causes proviennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque la sagesse divine décrète le changement et le bouleversement des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala célestes, comme l'éclipse solaire, comme l'éclipse lunaire, comme les tremblements de terre, ceci afin d'éveiller les gens qui sont insouciants envers l'adoration d'Allah azawajal. Ou bien Allah azawajal déstabilise ces choses célestes lorsque des péchés sont commis. يقدر الأسباب الحسية العادية لتغيير هذا النظام الكوني. Ainsi Allah عز وجل prédestine et décrète ces causes physiques afin que le déroulement et l'organisation du système solaire soient bouleversés. Lorsque la lumière du soleil et de la lune disparaissent de façon totale ou partielle. Également, l'éruption des volcans font partie des choses qui changent le déroulement normal des astres. Donc lorsqu'Allah Azza wa Jalla décrète toutes ces choses, comme les éclipses, les éruptions des volcans, les vents forts, les grondonnements de la foudre, ou toutes choses qui font partie de ces signes, subhanahu wa ta'ala. Tout ceci afin que les serviteurs prennent compte que derrière ces mondes, derrière ces créatures immenses, il y a un administrateur qui est capable de toutes choses et qui a en sa possession toutes choses, qui est Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala est capable de les châtier par un signe parmi les signes de sa création. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a fait périr les communautés précédentes, par la foudre, par le vent, par l'inondation, par les tremblements de terre, par les glissements de terrain. De même, Allah subhanahu wa ta'ala est capable de leur d'ôter à ses serviteurs la lumière du soleil et de la lune. Ils resteraient alors sur terre totalement perdus. Et Allah azza wa jal peut également les frapper par une sécheresse qui dessécherait leurs arbres, qui assécherait leurs rivières, afin de les alerter que ce monde est sous son emprise, subhanahu wa ta'ala, afin qu'ils le redoutent. Dans le verset, Allah Azzawajal nous cite clairement qu'il envoie ces signes « illa takhwifa » que pour faire peur. C'est parole de moi, on n'est pas du shir. « Walakinnana » et le shir Al-Bassam, rahimahullah, dit « mais nous sommes dans un monde matériel. Nous sommes dans une époque où le matériel a pris le dessus et une époque dans laquelle le matériel a dépassé ses limites. Les gens, la yudrikuna min taghyir hadhihi al-ayat illa al-ma'ani al-maddiyya. Les gens ne voient dans la modification du déroulement normal de ces signes, ils ne voient dans cette modification que des raisons matérielles. Et ils ont oublié, ou ils sont ignorants des sens abstraits. Quel est ce sens abstrait? Qui est de mettre en garde contre le châtiment d'Allah. Et le fait de rappeler à ses serviteurs les bienfaits d'Allah sur eux. فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. C'est à Allah que nous appartenons et c'est vers lui que nous retournerons. Donc ici, Cheikh Al-Bassam, rahimahullah, interpelle les gens qui ne voient dans tous ces signes, que ce soit les éclipses, que ce soit les tremblements de terre, que ce soit les éruptions, que ce soit les glissements de terrain, les gens trouvent à tout ceci des explications scientifiques et se contentent de cela, en oubliant les raisons abstraites qui sont qu'Allah Azzawajal envoie ses signes afin de nous mettre en garde contre son châtiment et qu'Allah Azzawajal est capable de nous châtier par ses signes et également cela permet de nous rappeler les bienfaits dont Allah Azzawajal nous comble. Et comme par exemple la lumière du soleil. La lumière du soleil n'est-elle pas un bienfait d'Allah sur nous? Oui, car de la lumière du soleil en découle l'existence de la vie et le déroulement de tout ce qui est contenu sur terre, que ce soit les saisons, la faune, la flore, etc., etc. Tout ceci dépend de la lumière du soleil. Et le fait qu'une éclipse apparaît, cela est un signe d'Allah Azzawajal pour nous montrer que Allah Azzawajal nous donne la lumière du soleil, mais il est capable également de nous l'ôter. Nous devons donc nous remettre en question et nous rappeler les bienfaits d'Allah sur nous. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما خلاصته في الإمام البسام رحمه الله cite une parole de الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الخسوف والكسوف لهما أوقات مقدرة كما لطلوع الهلال وقت مقدر وذلك ما أجرى الله عليه أمره بالليل والنهار والشتاء والصيف وسائر ما يتبع جريان الشمس والقمر وذلك من آيات الله تعالى هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل وقال تعالى الشمس والقمر بحسبان. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah dit al-khusuf wa al-kusuf. Les éclipses lunaires et solaires ont des moments bien précis dans lesquelles elles apparaissent, où elles ont lieu. Comme l'apparition de la lune apparaît pendant un moment bien déterminé. Et ceci dépend de l'alternance du jour et de la nuit, et également de cela dépend les saisons, comme l'hiver, l'été, et tout ce qui dépend de la trajectoire et du mouvement du soleil et de la lune. Et ceci, وَذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ. Et ceci fait partie des signes d'Allah, comme le dit Allah Azza wa Jalla dans Surat Yunus, Le verset 5, c'est lui qui a fait du soleil une clarté et de la lune une lumière et il en a déterminé les phases. Et Allah Azza wa Jalla dit dans Surat Ar-Rahman, le verset 5, le soleil et la lune évoluent selon un calcul minutieux. Bihusban. ثم قال شيخ الإسلام وكما أن العادة التي أجراها الله تعالى أن الهلال لا يستهل إلا ليلة 30 أو 31 فكذلك أجرى الله العادة أن الشمس لا تكسف إلا وقت الإسرار لا تكسف إلا وقت الإسرار وأن القمر لا يخسف إلا وقت الإبدار لكن العلم بالعادة في الهلال علم عام يشترك فيه جميع الناس أما العلم بالعادة بالكسوف والخسوف فإنما يعرفه من يعرف حساب جريانها وليس خبر الحاسب بذلك من باب علم الغيب ولا من باب ما يخبر به الذي يكون كذبه فيها أعظم من صدقه فإن ذلك قول بلا علم ثابت الذي نهى عن إتيانهم ومسألتهم والعلم بوقت الكسوف والخسوف وإنما كان وإن كان ممكنا لكن المخبر المعين قد يكون عالما بحسابه وقد لا يكون فإذا تواطأ خبر أهل الحساب على ذلك فلا يكادون يخطئون ومع هذا فلا يترتب على خبرهم علم شرعي فإن صلاة الكسوف والخسوف لا تصلى إلا إذا شهد ذلك وإذا جوز الإنسان صدق المخبر بذلك أو غلب على ظنه فنوى أن يصلي الكسوف والخسوف عند ذلك واستعد ذلك الوقت لرؤية ذلك كان هذا من باب المصارعة إلى طاعة الله وعبادته فإن الصلاة عند الكسوف متفق عليها بين المسلمين وقد تواترت بها السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم في شيخ الإسلام رحمه الله سيت ك courant, et l'habitude est qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse en sorte que la lune n'apparaisse que la nuit, la 30e nuit ou la 31e nuit du jour du mois lunaire. Quand est-ce que la lune apparaît? Quand est-ce que le croissant de lune apparaît? Hein? En début du mois, mais Cheikh Al-Islam Taymiyyah a pu citer les nuits, la 30e nuit ou la 31e nuit, ce qui revient au début du mois. Mais à la coulée, c'est la fin du mois précédent. La 30e nuit et la 31e nuit. La 30e nuit qui est précédée par le 29e jour. Et la 31e nuit qui est précédée par le 30e jour. Donc, si on parle avec notre langage à nous, la nuit du 29, c'est là où on regarde le soleil, le ciel pour voir si le croissant de lune apparaît ou pas. S'il n'apparaît pas, il apparaîtra le soir du 30e jour. Et, Cheikhoul Islam, Taymiyyah, rahimahullah, dit qu'il en est de même, hamoukallah, concernant le soleil. Le soleil, l'éclipse solaire n'apparaît que au moment de l'Israr, comme le dit Cheikh Al-Islam Taymiyyah. Et ici, l'Israr, c'est la fin du mois, la fin du mois lunaire. Et vous pouvez vérifier par vous-même, lorsque vous regardez les dates prévisionnelles selon les calculs astronomiques des éclipses solaires à venir, vous verrez qu'elles correspondent tous à la fin du mois lunaire. Soit le 28e, soit le 29e, soit le 30e. Elles correspondent toutes à la fin d'un mois lunaire. Donc une éclipse solaire a toujours lieu à la fin d'un mois lunaire. Illa waqt al-israr. Wa anna al-qamar la yakhsif illa waqt al-ibdar. Et la lune, l'éclipse lunaire, n'a lieu que lorsque elle est pleine. Waqt al-ibdar. C'est-à-dire lors des trois nuits, on appelle ayam al-bid. Lorsque la lune est pleine, les 13, 14 et 15e jours du mois lunaire. Akulihan, ensuite, Cheikh l'Islam Taymiyyah rahimahullah cite un certain nombre d'informations que la science de la lune, de savoir quand est-ce que la lune apparaît, quand est-ce qu'elle disparaît, etc., c'est une chose qui peut être à la portée de tout le monde. Et on avait déjà cité ce point-là, à savoir que le fait qu'en islam, les mois sont calculés par rapport à l'apparition et à la disparition de la lune, que cela était une sagesse d'Allah Azzawajal, car il est à la portée de tout le monde de pouvoir se repérer temporellement en regardant la lune. Une personne qui voit la pleine lune, il sait qu'il est en milieu de mois. Ceci est à la portée de tout le monde. Contrairement au calendrier solaire, cela n'est donné, il n'est possible à la personne de connaître cela que s'il a une certaine science en astronomie. Et concernant les éclipses lunaires ou solaires également, ne connaît leur apparition que celui qui a une certaine science dans l'astronomie. Et le fait qu'une personne prédise un jour précis dans lequel une éclipse a lieu, cela ne fait pas partie de la science de l'invisible. Celui qui donne cette information, on ne dit pas « non, toi tu as parlé de l'invisible ». Non, c'est une chose qui peut se calculer. Néanmoins, même si les calculs sont les plus précis possibles, même si tout le monde est d'accord que l'éclipse aura lieu tel jour, à telle heure, etc., à telle minute, à telle seconde, l'éclipse, la prière de l'éclipse ne peut être accomplie que lorsque l'éclipse est vue à l'œil nu. Que lorsque l'éclipse est vue à l'œil nu, ce n'est qu'à ce moment que la prière peut être accomplie. On ne peut donc pas accomplir une prière de l'éclipse en se basant uniquement sur les calculs. Car il est possible que le ciel soit couvert et que l'éclipse lunaire ne soit pas vue, ou que l'éclipse solaire également ne soit pas apparente. Comme l'a dit Cheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. ومع هذا فلا يترتب على خبرهم علم شرعي فإن صلاة الكسوف والخسوف لا تصلى إلا إذا شهد ذلك. Et malgré cela, c'est-à-dire malgré la certitude que pourraient avoir les astronomes sur le moment dans lequel l'éclipse va avoir lieu, sauf que on ne découle pas de cette information une science juridique, une science islamique. Car la prière de l'éclipse solaire, de l'éclipse qu'elle soit solaire ou lunaire, ne peut être accomplie que lorsque cela est vu, que lorsque l'éclipse est constatée. Et quant au fait de prendre en compte ces calculs, afin de se préparer à scruter le ciel et à constater cette éclipse, cela fait partie de l'empressement vers l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car de prier pendant une éclipse est une chose qui fait état d'un consensus parmi les savants, et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont extrêmement nombreux à ce sujet. فما قال المؤلف رحمه الله الحديث الثالث والأربعون بعد المئة. Puis l'auteur cite le 143e hadith. عن عائشة رضي الله عنها أن الشمس والقمر أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة فاجتمعوا وتقدم فكبر وصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات رواه البخاري ومسلم. Selon Aïcha radiallahu anha, elle dit qu'une éclipse solaire a eu lieu à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a alors envoyé un crieur, salam tullah, pour annoncer la prière en commun. Rassemblez-vous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est alors avancé, il a fait le takbir et a prié quatre inclinaisons dans deux unités de prière et quatre prosternations. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accompli combien d'unités de prière, combien de raka'at? Deux. Et dans ces deux raka'at, il a fait quatre inclinaisons et quatre prosternations. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Al-Gharib. Awalan khasafat. Jouiza fihi fathul kha'i wa s-sin wa dhammul kha'i wa kasri s-sin. ثانيا الصلاة جامعة نصب الأول على الإغراء والثاني على الحال وفيها غير هذا الإعراب ولكن هذا هو الأولى. Premièrement, les termes qui méritent explication dans le hadith. خسفت, parce que Aïcha radiallahu anha a parlé de l'éclipse solaire. خسفت, il est autorisé en arabe de dire خسفت ou خسفت. Khusifat al-shams ou khasafat al-shams, cela, les deux sont autorisés en langue arabe. Deuxièmement, as-salat jami'a. Ici, le mu'adhdhin dit as-salat avec la fatha. Et Cheikh al-Bassam ici, pourquoi est-ce que as-salat est mansoub? Il est mansoub à l'igra. Et l'igra, c'est le fait d'ordonner une personne à faire un bien. Lorsque tu ordonnes une personne d'accomplir un bien et de le faire, eh bien, cela inclut ou cela a pour conséquence que ce mot que tu utilises est mansoub. Al-ighra wa al-tanbih ila amrin mahboub li fi'lihi wa al-qiyam bih. والثاني على الحال أي أحضر الصلاة حال كونها جامعة et جامعة est mansoub على الحال, c'est-à-dire que le sens de cette parole, la prière en commun, c'est-à-dire assister à la prière lorsqu'elle est accomplie en commun. ولكن هذا وهي d'autres façons d'expliquer ce i'rab, mais cela est l'explication la plus celle qui a le plus de poids. المعنى الاجمالي خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث مناديا في الشوارع والأسواق ينادي الناس الصلاة جامعة ليصلوا ويدعوا الله تبارك وتعالى أن يغفر لهم ويرحمهم وأن يديم عليهم نعمه الظاهرة والباطنة واجتمعوا في مسجده صلى الله عليه وسلم وتقدم بلا إقامة فكبر وصلى ركعتين في سجدتين وركعتين في سجدتين كما يأتي تفصيل ذلك في حديث عائشة رضي الله عنها. Le sens général du hadith. Une éclipse solaire a eu lieu à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a alors envoyé un crieur dans les rues et les marchés afin d'appeler les gens en disant la prière en commun, la prière en commun, afin qu'ils viennent prier et invoquer Allah Azzawajal de leur pardonner et demander à Allah Azzawajal de les faire entrer dans sa miséricorde et de faire que les bienfaits apparents et cachés dont Allah Azzawajal, ou qu'Allah Azzawajal leur accorde, soient, existent et persistent. Ils se sont alors réunis dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est avancé sans iqamah. Il a prononcé le takbir et a prié deux raka'at avec deux sajadat et deux raka'at avec deux prosternations. Il a prié deux inclinaisons dans deux prosternations et deux inclinaisons en deux prosternations. Comme le détail de cela sera cité dans le hadith de Aïcha radiallahu anha qui va venir par la suite. Donc ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié directement sans iqama. Ce qu'on retient du hadith, ma yukhadhu min al-hadith, awalan wujudu khusuf al-shamsi ala ahdi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Premièrement, on retient de ce hadith l'existence d'une éclipse solaire au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Thaniyan istihbabu al-salati inda al-khusuf wa naqala al-nawawi rahimahullah al-ijma'a ala annaha sunnah. Deuxièmement, on retient de ce hadith qu'il est recommandé de prier lors d'une éclipse. Et l'imam Nawawi rahimahullah a rapporté l'unanimité des savants que c'est une sunnah. Thalithan, mashru'iyyatu l'ijtima'i laha li'ajli at-tadarru'i wal-ibadah wal-mubadarati bit-tawbati wal-istighfar li'anna sababa dhalika ad-dunub. Troisièmement, on retient de ce hadith qu'il est légiféré de se rassembler afin de s'humilier et d'invoquer Allah Azza wa Jal et de s'empresser à se repentir et à demander le pardon car ceci a eu lieu à cause des péchés. Car ceci a eu lieu à cause des péchés. Rabi'an, innahu laysa laha adhanun wa innama yunada laha bis-salat as-sabi as-salat jami'ah. Quatrièmement, qu'il n'y a pas d'adhan pour cette prière, mais on doit appeler à celle-ci en disant as-salat jami'atan. الصلاة جامعة. خامسا إن صلاة الكسوف أربع ركعات وأربع سجدات ويأتي تفصيل ذلك وكيفيته إن شاء الله تعالى. Cinquièmement, que la prière de l'éclipse est composée de quatre inclinaisons, de quatre prosternations, et les détails de cela ainsi que leur description sera cité par la suite إن شاء الله تعالى. الحديث الرابع والأربعون بعد المئة عن أبي مسعود عقبة بن عامر الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس ولا لحياته فإذا رأيتم منهما شيئا فَصَلُّوا وَدْعُوا حَتَّى يَكْشِفَ مَا بِكُمْ حَتَّى يَنْكَشِفَ مَا بِكُمْ رواه البخاري ومسلم. Le 144e hadith. Selon Abu Mas'ud, Uqba ibn Amir radiallahu anhu al-Ansari, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le soleil et la lune sont deux signes parmi les signes d'Allah. » Il fait peur par ces deux choses, ses serviteurs. Et le soleil et la lune ne s'éclipsent pas suite à la mort d'une personne, ni suite à la naissance de l'un d'entre eux. Lorsque vous voyez une chose les concernant, c'est-à-dire lorsque vous voyez l'éclipse, solaire ou lunaire, alors prier et invoquer jusqu'à ce que se dissipe ce qui vous a touché. Jusqu'à ce que se dissipe ce qui vous a touché. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Al-Ma'na al-Ijmali. بين صلى الله عليه وسلم أن الشمس والقمر من آيات الله الدالة على قدرته وحكمته، وأن تغير نظامهما الطبيعي لا يكون لحياة العظماء أو موتهم كما يعتقد أهل الجاهلية، وإنما يكون ذلك لأجل تخويف العباد فيجدد التوبة والإنابة إلى الله تعالى. ولذا أرشدهم أن يفزعوا إلى الصلاة والدعاء حتى ينكشف ذلك عنهم وينجلي، ولله في كونه أسرار وتدبير. Leçon générale du hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué que le soleil et la lune sont des signes d'Allah qui prouvent la force d'Allah ainsi que sa sagesse. Et que le changement du déroulement habituel de ces deux astres n'a lieu ni par la cause de la naissance d'une grande personne, ni par la cause de la mort d'une grande personne, comme pouvaient le croire les gens de Al-Jahiliyyah avant l'arrivée de l'islam. Mais cela a lieu afin de faire peur aux serviteurs, afin qu'ils se repentent et reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a incités à avoir peur et à se réfugier en allant prier et invoquer, jusqu'à ce que cela se dissipe, jusqu'à ce que l'éclipse disparaisse et il y a dans la création d'Allah de nombreux secrets. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité cela, ou a cité le fait que le soleil et la lune ne s'éclipsent pas à cause de la mort ou de la vie de quelqu'un, car une éclipse solaire a eu lieu au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand? Lors de la mort de son fils Ibrahim, la mort du fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ibrahim. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu, en expliquant cela, montrer qu'il n'y avait pas de relation entre la mort de son fils et l'éclipse solaire. ما يؤخذ من الحديث أولا مشروعية الصلاة والدعاء عند الكسوف والخسوف رجوعا إلى الله. Ce que l'on retient du hadith, premièrement, qu'il est légiféré de prier et d'invoquer lors d'une éclipse solaire ou lunaire et de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. ثانيا إن انتهاء الصلاة يكون بالتجلي فإن انتهت قبل التجلي تضرعوا ودعوا حتى يزول ذلك فإنه لم يرد في إعادتها شيء. Deuxièmement, que la fin de la prière a lieu lors de la disparition de l'éclipse. Et si la prière se termine avant la disparition de l'éclipse, ils doivent alors s'humilier et invoquer jusqu'à ce qu'elle se dissipe, car rien n'a été rapporté sur le fait de refaire une autre prière. Donc lorsqu'une prière de l'éclipse se termine avant la fin de l'éclipse, il n'est pas légiféré de refaire une autre prière, mais les musulmans doivent s'humilier devant Allah Azza wa Jal et invoquer Allah Azza wa Jal jusqu'à ce que cette éclipse disparaisse. Thalithan, ظاهر الحديث أنهم يصلون ولو صادف وقت نهي وهو الصحيح لأنها من ذوات الأسباب التي تصلى عند وجود سببها مطلقا وتقدم الخلاف في هذه الصلاة ونظائرها في باب المواقيت. Troisièmement, que ce qui apparaît du hadith, c'est qu'il priait. Il priait même si cela coïncide avec une heure dans laquelle la prière est déconseillée. Et ceci est l'avis le plus authentique, à savoir que l'on accomplit la prière de l'éclipse, même si elle a lieu pendant un moment qui habituellement dans lequel habituellement la prière est déconseillée. Car la prière de l'éclipse fait partie des prières qui sont accomplies pour une cause bien particulière. Et la divergence sur ce point a été citée dans le chapitre des horaires de prière. Rabi'an, inna al-hikmata fi ijadi al-kusuf wal-khusuf huwa takhwif al-ibad wa inzaruhum bi'iqab Allah wa iz'aj al-qulub as-sakinati bil-ghafla wa iqadhiha wa itla' an-nas 'ala namudaj mimma yaqa'u yawm al-qiyamah wa li'lamu annahu yu'khadhu bidh-dhanbi man la dhanba lahu ليحذر المذنب من ذنبه ويحذر المطيع العاصي وكل هذه المعاني الروحية لا تنافي وجود الأسباب المادية العادية وقد تقدم شرح ذلك. Quatrièmement, le retenu de ce hadith, que la sagesse dans l'existence des éclipses, c'est le fait de faire peur aux serviteurs et de les mettre en garde et de les prévenir du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, et pour éveiller également les cœurs insouciants. Pour éveiller les cœurs insouciants, et également pour montrer aux gens un exemple de ce qui adviendra le jour du jugement. Car aucun doute qu'une éclipse, surtout l'éclipse solaire en pleine journée, lorsqu'elle est totale, est quelque chose d'impressionnant. La personne a l'impression que c'est la fin du monde. Il est midi, midi et demi, et on a l'impression que le soleil vient de se coucher. Donc ceci, parmi les sagesses de l'éclipse également, c'est qu'Allah Azza wa Jal par celle-ci donne un exemple aux gens de ce que sera le jour du jugement. Et également, l'éclipse est aussi un moyen d'interpeller le musulman à savoir que l'on peut subir les conséquences d'un péché même si l'on ne l'a pas commis. Car l'éclipse touche-t-elle uniquement les pervers et les mécréants ? Ou touche-t-elle les musulmans, les croyants, les pervers et les mécréants? Elle touche tout le monde. Ceux qui commettent des péchés comme ceux qui n'en commettent pas. Donc ceci est un signe d'Allah Azza wa Jal à savoir que son châtiment, lorsqu'il arrive, englobe tout le monde. Afin que prenne garde celui qui désobéit à Allah Azza wa Jal et pour que celui qui obéit à Allah met en garde celui qui désobéit. Deux choses. Pour que prenne en garde celui qui commet des péchés et pour que celui qui n'en commet pas mette en garde celui qui en commet de les faire. Et tous ces sens profonds, tous ces sens forts ne remettent pas en cause les explications scientifiques et matérielles de ces éclipses, et cela a été expliqué précédemment. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.